Est-ce que tu pourrais faire la vaisselle? Bambax. Est-ce que t'as descendu les poubelles? Bambax. Est-ce que t'as réparé la télé? Bambax. Est-ce que t'as récupéré tes clés? Bambax. Bambax, il a rien fait du tout. Bambax. Bambax, il passe sa vie au studio. Est-ce que tu peux repasser mes chemises? Bambax. Est-ce que t'as bien défait les valises? Bambax. Est-ce que tu pourrais pas baisser le son? Bambax. Est-ce que tu peux nourrir les poissons? Bambax. Pour que cette année soit pour Bambax, l'année de la retraite. Est-ce que t'as fait remplacer les piles? Bambax. Est-ce que t'as pensé à acheter de l'huile? Bambax. Est-ce que tu pourrais faire les poubelles? Bambax. Est-ce que t'as descendu la vaisselle? Bambax. Bambax. Bambax. Bambax. Est-ce que tu peux repasser mes chemises? Bambax. Est-ce que t'as bien défait les valises? Bambax. Est-ce que tu pourrais pas baisser le son? Bambax. Est-ce que tu peux nourrir les poissons? Bambax. Est-ce que tu pourrais pas baisser le son? Bambax. Bambax. Pour que cette année soit pour Bambax, l'année de la retraite. Et qui est plus jamais pour Bambax que des chansons à chanter. Bambax. Bambax. Bambax. Bambax. Bambax. Bambax.